d'amour pour recevoir bien poliment. C'est un billet de logement, il est en règle bien strictement. Et vous allez nous recevoir ici bien poliment. Il une bagatelle, bien peu de choses assurément. Place au feu, place à la chandelle, et des égales énormément. Donc pour quitter mon domicile, je vous donnerai de l'argent. Et de l'argent. Vous irez dépenser en ville. Et tout, lisez le document. Lisez le document. C'est un billet de logement, il est en règle strictement, et vous allez évidemment nous recevoir bien poliment. C'est un billet de logement, il est en règle strictement, c'est un billet, de logement. Ah, vous voulez loger chez moi? Eh bien, j'ai ce qu'il vous faut, deux mansardes magnifiques, tout en haut. Vous y serez bien au chaud, avec mes vieux domestiques, tout en haut. Chez moi, ne vous gênez pas, vous trouverez la cantine, tout en bas. Et vous prendrez vos repas, mes amis à la cuisine, tout en bas. Morbleu, vous moquez, vous venez. Chut, calmez-vous. Je vais flanquer tout sans dessus. Oui, calmez-vous. Monseigneur, voudrait-il vraiment insulter notre régiment? Lisez le document. C'est un billet de logement, il est en règle strictement, et vous allez évidemment nous recevoir bien poliment. Et vous allez évidemment, avec beaucoup d'empressement, nous donner vivement un joli logement, C'est entendu, militaire. On aura pour vous les plus grands égards. Beaucoup d'égards. Mordieu, il a l'air de se moquer de nous. Mille tonnerres, si vous ne se retenez pas. Du calme, mon tabord, du calme. Je me dompte, mon lieutenant. Je comprends les sentiments qui vous agitent. C'est le papa de la petite. Le papa de la petite, mais qu'est-ce que tu entends par là? Mais qu'elle vous a tapé dans l'œil, la jolie colombe du couvent. Moi, un simple lieutenant sans le sou, tu croirais que je suis amoureux? Un peu, mon neveu. Allez, tais-toi, pas de mauvaise plaisanterie. C'est bon, je clôt mon bec, mais je garde mon idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais parbleu, c'est Claudine, je reconnais sa manière. Je vous dis, j'ai à parler au soldat Guignol, mais laissez-moi donc